Ce sont d'excellentes références, fit remarquer Laurent Villeneuve. Samuel lui adressa un sourire reconnaissant. Il s'entendait très bien avec Villeneuve, directeur de l'hôpital Purpan depuis 2 ans, et passionné comme lui d'aéronautique. Lorsqu'il lui avait transmis le dossier de Pascal, il s'était dit qu'elle obtiendrait le poste vacant sans problème, mais le chef du service pneumo, une femme, semblait réticent. « Nous avons d'autres candidatures à examiner », fit-elle remarquer du bout des lèvres. Nadine Clément, ses cheveux gris tirés en arrière et ses imposantes lunettes d'écaille sur le bout du nez, n'avait rien d'avenant. La soixantaine largement dépassée et sans éclat, des traits anguleux et la voix cassante, elle était la terreur de son étage. « J'aurais préféré engager quelqu'un avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Par exemple, le docteur Médéric », ajouta-t-elle en plantant son regard dans celui du directeur. Sans se laisser impressionner, Laurent hocha la tête, dubitatif. « Il est trop près de la retraite. Une jeune recrue serait plus indiquée. » Vexée, Nadine rajusta ses lunettes d'un geste rageur. Elle-même était en fin de carrière et n'appréciait pas qu'on le lui rappelle. Avec un agacement très ostentatoire, elle se tourna vers Samuel. « Vous nous recommandez si chaudement à votre ex-épouse qu'on peut se demander pourquoi vous avez divorcé. »« On se le demande peut-être, » trancha le directeur. « Mais on ne le demande pas à Monsieur Hoffman. C'est trop personnel, bien entendu. Et tout à fait hors de propos, puisque seules les compétences professionnelles du docteur Pascal Fontanelle entrent en ligne de compte dans notre choix, n'est-ce pas ?» Nadine dévisagea Laurent Villeneuve avant de laisser tomber d'un ton cynique. « De toute façon, la décision vous appartient, et cette jeune femme est sûrement plus intéressante à vos yeux que le docteur Médéric. » Une façon de lui rappeler qu'elle n'était pas dupe. À 38 ans, Laurent restait célibataire et sans doute le prenait-elle pour un séducteur chevronné. Samuel savait que cette idée toute faite circulait parmi le personnel de l'hôpital, mais la réalité était bien différente. Malgré son charme évident de beau ténébreux, Laurent n'avait rien d'un coureur de jupons. Successivement déçu par 2 histoires difficiles, il cherchait toujours la femme avec qui fonder une famille. Il s'interdisait cependant la moindre aventure au sein des établissements qu'il dirigeait. En conséquence, la remarque de Nadine Clément était inutilement acerbe. « Tenez-moi au courant, » dit-elle en se levant. Laurent la laissa partir avant de sourire. « Elle est vraiment antipathique. J'espère que ton ex ne se laissera pas tyranniser. » Comme promis, il allait donc offrir le poste à Pascal, et Samuel se sentit heureux de pouvoir lui annoncer la nouvelle. « Ne t'inquiète pas, elle saura se défendre, » répondit-il d'un ton réjoui. « Préviens-la quand même de se méfier, au moins au début, parce que Nadine est une peau de vache. » Elle en avait la réputation, et les plaintes des infirmières ou des internes du service de pneumologie s'entassaient sur le bureau de Laurent. « Je te verrai au club demain, » dit Samuel. « Je dois remonter au bloc. » Ils échangèrent une vigoureuse poignée de main, ravis l'un de l'autre. Laurent avait pu affirmer son autorité de directeur en contrant l'insupportable Nadine Clément, tandis que Sam obtenait un poste intéressant pour Pascal. Il se hâta de quitter le bâtiment administratif, perdu dans ses pensées. Pourquoi se donnait-il tant de mal? Prêter de l'argent à son ex-femme et lui trouver un travail pouvait à la rigueur se justifier. De là à penser à elle 10 fois par jour. 100 fois, marmonna-t-il en traversant l'une des cours. Le CHU était gigantesque, étendu sur plusieurs hectares, mais Samuel s'y sentait chez lui. Lorsqu'il avait pris la décision de fuir la région parisienne, s'éloignant le plus possible de Pascal et de tous les souvenirs douloureux liés à leur divorce, la ville de Toulouse lui était apparue comme une terre d'accueil, d'oubli. Immédiatement séduit par l'architecture, le climat, l'atmosphère de la cité, il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple halte, il était arrivé au port. Il s'engouffra dans le bâtiment abritant la chirurgie générale et, dédaignant les ascenseurs du personnel, grimpa 4 à 4 jusqu'à l'étage du bloc. Le planning de la journée était très chargé, comme toujours, et il aurait bon nombre de patients à endormir, à surveiller durant l'intervention, puis à contrôler en salle de réveil avant de pouvoir penser à autre chose.